ma religion, c'est la télévision. Ma religion, c'est la télévision. Elle m'apprend à lire et à compter. Elle me dit comment m'habiller. Elle me suggère quoi manger, à qui parler, qui fréquenter. Elle me dit quand rire, quand pleurer, contre qui je dois me fâcher. L'autre soir, elle m'a aidé à mieux baiser. Ma religion, c'est la télévision. Ma religion, c'est la télévision. Nos ancêtres avaient les curés pour leur dire quoi penser. Nous, on n'a pas besoin de bouger pour savoir comment se comporter. Il arrive qu'elle va m'accorder le privilège de participer. L'autre jour, elle m'a suggéré pour qui voter. Ma religion, c'est la télévision. Ma religion, c'est la télévision. Ma religion,